ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une journée. On a grandi puissance. Je vais vous montrer cette corruption. On a donc d'abord un processus pour que ce soit un vrai processus de processus incroyable. Ah, le mec est trop bon. Ah putain, j'ai trouvé un super prof. Alors je vais le faire que deux fois, les tafs à chaque fois, pour raccourcir le truc, donc... Mineur, le ré... Alors je vais le faire que deux fois, les tafs à chaque fois, pour raccourcir le truc, donc... Mineur, je vais le faire que deux fois, les tafs à chaque fois, pour raccourcir le truc, donc... Mineur, le ré... Le sol... Mineur... Le si mineur... Le go... Le ré... Et le mineur... Oh, le mec il est à fond, il a piqué les dents. We'll be right back. bizarre, pourtant c'est bon.